Ici Alexandre de Rome Bruno Mongrain Maltais. Je vous invite personnellement tous les mardis à 23h sur les ondes de CKRL 89,1 FM pour l'émission Le Vraiment Grand Radio Journal. C'est un rendez-vous que je ne veux pas manquer. Vous non plus, j'en suis sûr. Vous écoutez CKRL 89,1, la radio des découvertes. I will disappear. Alors, bonsoir et bienvenue à Web Musique. Qu'est-ce que c'est Web Musique pour ceux qui n'ont jamais écouté l'émission? Ben, c'est une sélection de musique éclectique qui est publiée sous licence Creative Commons, des fois aussi en copyleft, puis souvent dans le domaine public. Donc, c'est des pièces qui est possible de télécharger gratuitement et légalement. Bien sûr, je vous encourage à télécharger les pièces que vous entendez à l'émission, puis d'ensuite de les partager avec votre famille, vos amis. L'émission a aussi un blog qui est au www.webmusique.org. Le web s'écrit O-U-E-B-E. Donc, sur le blog, vous avez les playlists des pièces qui passent à l'émission. L'émission est aussi disponible en balado-diffusion. De temps en temps aussi, je rajoute quelques vidéos. Donc, c'est tout ce qu'il vous faut sur le blog pour télécharger les pièces que vous entendez à l'émission. Ce soir, bien, on a des trucs quand même assez expérimentaux dans l'électronique. L'émission n'est pas toujours électronique, c'est assez varié, mais ce soir, on va se concentrer un peu plus du côté électronique. Je vais vous faire passer pour débuter des pièces qui sont sur l'étiquette Electrobank Music, une étiquette qui nous vient de la Serbie. On va débuter tout de suite avec Watchman MK, la pièce Pirate. Watchman MK qui nous vient de la Serbie. Puis ensuite de ça, on va aller sur l'étiquette espagnole Escala. Je vous fais entendre deux pièces de l'artiste Antonio Diaz qui évolue sous le nom de Pirata. Je vous fais entendre deux pièces sur son album Nueva Estación. On va débuter avec Genoma. Ça va être suivi par la Revolution de los Pueblos. Donc pour tout de suite, Watchman MK, la pièce Pirate. Thank you. Thank you. pasa por las grandes masas. La revolución la hacen los pueblos. C'était une pièce de Pirata qui évolue sous le nom de, ou plutôt Antonio Diaz qui évolue sous le nom de Pirata. C'était la pièce La Revolución de los Pueblos. C'était précédé par la pièce Genoma. Deux pièces qui sont sur l'album Nueva Estación sur l'étiquette espagnole Escala. Puis on avait débuté l'émission avec la pièce Pirate qui nous vient de l'artiste Watchman MK sur l'étiquette Electrobank Music, une étiquette de la Serbie. On poursuit l'émission Web Music avec un artiste qui est sur l'étiquette Embryones, donc une étiquette argentine. Je vous fais entendre Michael Math. Je vous fais entendre sa pièce Dub Valley, donc un peu de dub à Web Music. Thank you. Cette saison sur les ondes de CKRL. Chansons et folk. Des soirées pour tous les goûts. Jazz. De la variété. Soirées urbaines. Vous êtes mélomane, explorateur. Rock et psychédélique. Pour la diversité musicale. Groove et blues. Metal. Je n'écouterai plus la radio de la même façon. Dès cet automne à CKRL, la radio culturelle. Ici Alexandre de Rome, Bruno, Mongrain, Maltais. Je vous invite personnellement tous les mardis à 23h sur les ondes de CKRL 89,1 FM pour l'émission Le Vraiment Grand Radio Journal. C'est un rendez-vous que je ne veux pas manquer. Vous non plus, j'en suis sûr. Découvrir en radio CKRL 89.1. Vous êtes toujours à Web Musique, c'est Simon Roy qui est entre vos deux oreilles. Avant la pause, on avait entendu Michael Math, la pièce Dub Valley. C'était sur l'étiquette Embryones, une étiquette qui nous vient de l'Argentine. Donc, on poursuit l'émission Web Musique avec encore un petit peu de dub, une pièce vraiment mollo. Je vous invite à monter le volume le plus fort possible. C'est encore plus efficace comme ça. Donc, je vous fais entendre un artiste qui est sur l'étiquette italienne Deep in Dub, une étiquette qui est bien sûr spécialisée dans la musique dub. Je vais vous faire entendre Waveform, un artiste qui vient de Saint-Pétersbourg en Russie. Donc, je vous fais entendre la pièce Soulfly de Russie, Waveform. Thank you. Une pièce quand même assez tranquille par le russe Waveform. La pièce s'appelait Soulfly. C'est sur l'étiquette Deep in Dub, une étiquette italienne. On poursuit cette fois-ci avec une étiquette qui nous vient de la Pologne, une étiquette que j'adore. J'en ai déjà fait passer à l'émission, puis je vais continuer d'en faire passer. J'adore cette étiquette. Donc, c'est l'étiquette Kunabu, une étiquette de la Pologne. Je vous fais entendre un artiste allemand qui s'appelle Das Kraftfutter Mischwerk. La pièce s'appelle Down Under the Moon. Puis, ça va être suivi par Dubsuit, la pièce Schlaf. Schloff. Donc, deux pièces qui sont sur l'album Sgt. Pepper Lonely Hearts Dub Band 2. Donc, c'est une compilation qui est sur l'étiquette Kunabu. Pour tout de suite, Das Kraftfutter Mischwerk. Donc, c'était Dobsuit, la pièce Schlof-Schlosch sur l'étiquette Kunabu, une étiquette polonaise avant ça, sur la même étiquette Das Kraftfutter Mischwerk, la pièce Down Under the Moon. Donc, je vais vous laisser sur une pièce de Motown Junkie sur l'étiquette Phonotactics, une étiquette du Portugal. Je vous fais entendre la pièce Bollywood Herbal. Donc, c'est tout pour Web Music. Je vous invite à vous rendre sur le blog de l'émission qui est au www.webmusic.org. Je vous souhaite une bonne soirée. Les nuits en musique vous sont présentées par votre directeur musical, Daniel Marco. Écoutez CKRL tous les jours de la semaine durant les petites heures du matin et laissez-vous guider par l'humeur musicale de Daniel Marco. Les lundis urbains, les mardis 100% franco, les mercredis folk et world beat, les jeudis Britpop et post-rock, les vendredis flashback et les samedis du métal avec DJ Benz. CKRL, la radio des découvertes, 24 heures sur 24, 7 jours, 7 soirs, même le dimanche.